évidemment, on reçoit un invité également aujourd'hui qui s'appelle Thomas Diagne. On va apprendre à découvrir Thomas Diagne ensemble. Évidemment, il y a certains de Français qui connaissent probablement déjà Thomas parce que Thomas, et là tu vas me corriger si je dis des niaiseries, mais tu as commencé, de ce que j'ai pu comprendre, les arts martiaux par le Wushu, qui est du Kung Fu en fait. Puis ensuite, tu as progressé, c'est-à-dire que tu as évolué vers le Sanshu, qui est un sport de combat chinois, où il y a des coups de poing, des coups de pied, puis également des projections. Et tu en es venu en 2008 à aller à San Jose, rejoindre l'équipe de Kong Li, évidemment une légende dans le monde du Sanshu, pour essayer maintenant de progresser en MMA. Voilà, exactement. Donc j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai commencé par le Kung Fu et comme vous venez de le dire, oui, j'ai continué avec le Sanshu quelques années plus tard. Et puis c'est vite devenu ma passion et le MMA par la suite. Moi, j'ai pratiqué un peu les arts martiaux traditionnels. Est-ce que tu continues encore à pratiquer des formes que tu as apprises en Kung Fu dans le passé ou tu as passé vraiment à autre chose? Non, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté le Taolu. Le Taolu qui sont les formes en Kung Fu, qui se dit kata en japonais. En chinois, c'est Taolu. Donc ça fait beaucoup d'années que je fais plus de Taolu. En fait, si vous voulez, pour aller en équipe de France, faut faire un choix. Faut soit faire Taolu, soit Sanshu. Donc pour me donner à 100% dans l'un des deux, bon, j'ai choisi le Sanshu. Pour me donner à 100% dans le Sanshu, j'ai complètement arrêté les formes. Ah, d'accord. Et voilà, ça fait beaucoup d'années maintenant que je pratique plus les formes, que je suis vraiment concentré sur la partie combat, en fait. Et maintenant, tu es installé à San Jose depuis 2008? Voilà, en fait, non, en 2008, c'est la première fois où je suis venu ici. OK. Je suis venu de moi-même pour voir s'il y avait des possibilités de faire une carrière professionnelle ici. Donc, en 2008, je suis venu par moi-même. D'accord. Je suis venu, donc j'avais pas encore de visa, j'avais pas encore de papier, j'avais encore rien. Donc, je suis venu, c'était en fait, entre guillemets, un stage. Je suis venu, j'ai vu comment c'était, j'ai vu s'il y avait possibilité de combattre. J'ai commencé à faire un peu de sparring avec les élèves de Kong Li et lui-même. Et puis tout s'est finalisé en 2009, cette année, en avril 2009, où j'ai pu avoir tout ce qui est papier, contrat, etc., avec Strikeforce et Kong Li en même temps. Est-ce que tu t'ennuies un peu de la France ou tu as l'occasion d'y retourner quand même assez régulièrement? Non, je continue toujours à y retourner. Là, depuis avril, ça fait 7 mois que je ne suis pas retourné parce que je me concentre sur les combats à venir, mais là je pense qu'après mon prochain combat, je vais retourner pour voir ma famille et mes amis. D'accord. Et tu as un contrat de combien de combats, si on peut te demander, avec Strikeforce? Oui, bien sûr, j'ai signé pour 2 ans et j'ai 6 combats. Et okay. ça va être principalement sur les challengers pour tout de suite, pour te faire connaître, ou une progression, j'imagine, tranquillement? En fait, c'était vraiment une coïncidence que je fasse mes 2 premiers combats en challenger. J'ai combattu au challenger en avril. C'était le premier. Ensuite, je devais combattre quelques mois tout de suite après, 2 ou 3 mois après. Ça s'est pas fait pour des raisons. Je crois qu'il y avait un problème avec mon adversaire ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je devais vraiment combattre sur des grosses cartes, sur des plus grosses strike force, etc. Et puis ça s'est pas fait juste au moment où. Et puis, c'était vraiment une coïncidence que mon adversaire soit prêt au moment où ce soit, comme par hasard, le challenger d'après. Mais sinon, c'est... Non, que ce soit challenger ou pas, ça a aucune importance. Et est-ce que est-ce que ton contrat est exclusif avec Strikeforce? Parce que souvent, on entend dire des combattants qui n'ont pas d'exclusivité avec eux. Alors, c'est ce que ça devait être à la base. Parce qu'à la base, j'avais signé avec Elite XC. Elite XC qui est maintenant out of business. J'ai pu annuler ce contrat qui était en exclusivité avec Elite XC, bon, Elite XC qui travaille avec Strikeforce. Et donc j'ai signé maintenant avec Strikeforce, que avec Strikeforce, mais j'ai pu négocier un contrat qui n'est pas en exclusivité avec Strikeforce, ce qui fait que je peux combattre dans d'autres organisations du moment que Strikeforce est d'accord. En fait, j'ai juste à leur demander leur avis. C'est-à-dire que Après mon combat, le premier combat que j'avais fait, y a le Japon qui m'avait repéré et qui m'ont demandé de combattre au Japon au K1 en shootboxing. Et j'aurais pu très bien aller combattre là-bas, mais pour des raisons de santé, parce que j'étais un petit peu blessé, Kong Li a préféré que j'attende un peu. Donc j'aurais très bien pu combattre là-bas du moment que je tiens à former Strikeforce, c'est tout. Alors jusqu'à maintenant, t'as une victoire et une défaite. Bon, ton dernier combat, ça s'est avéré être une défaite qui s'est terminée au premier engagement suite à une soumission, une clé de talon, si je me trompe pas. C'est bien ça. Est-ce que, bon, évidemment, t'es un gars de Sanshu, alors c'est exclusivement debout, il y a des projections, mais on complète pas le travail nécessairement au sol. Comment se passe l'apprentissage au sol? Est-ce que t'avais déjà entamé cet apprentissage-là en France ou c'est vraiment tout récent pour toi? Alors, juste avant de venir chez Kong Li, ouais, j'avais déjà prévu de commencer le MMA, donc j'étais vraiment conscient qu'il fallait que je fasse du sol déjà à la base. Donc, avant de venir chez Kong Li, j'avais commencé la pratique du grappling chez Flavio Santiago, un très grand grappleur connu en France et au Brésil, ou dans le monde entier même, qui fait de la lutte à livrer, et j'avais commencé chez lui, qui est maintenant un bon ami à moi. Donc j'ai fait quelques mois chez Flavio Santiago, mais bon, bien sûr, vous comprenez bien que quelques mois, c'est pas assez pour rivaliser avec les plus grands du monde du MMA, donc avec tout simplement un combattant du MMA. Donc j'ai continué mon apprentissage chez Kong Li au sol. Oui. Et ça s'est bien passé parce que, bon, comme Kong Li, il vient du Sanshu, lui aussi, disons qu'entre guillemets, on parle la même langue. Il sait quels sont mes défauts, quels sont mes faiblesses, oui. Voilà, exactement. Donc, on a pu vite parler le même langage. On a pu, par exemple, enlever certaines projections qui étaient bonnes pour le Sanshu et d'autres pour le MMA. Oui. Et d'autres d'ailleurs pour le MMA, mais toujours en continuant à travailler le sol. J'ai depuis jusqu'à mes premiers combats, j'ai pas arrêté de travailler le sol. Mais bon, bien sûr, comme vous avez pu le voir, il y a encore quelques. C'est un travail de longue haleine, le sol. Debout, c'est une technique qui est difficile, vraiment, également. Et au sol, c'est pareil, mais c'est vraiment deux univers distincts. Hein. C'est deux travails complètement différents. C'est deux travails complètement différents, mais il faut savoir que le MMA, c'est vraiment les deux en même temps. Je veux dire, on ne peut pas aller au MMA en se disant, bon, je suis bon debout, je vais aller et puis je vais essayer d'éviter le sol. Je pense qu'il faut savoir combattre debout et il faut savoir combattre au sol aussi. Même si on a ses points forts, je pense qu'il faut vraiment combattre. Il faut vraiment savoir combattre avec ces deux choses-là et savoir les additionner correctement, en fait. Parlez-nous un peu de l'entourage là où vous vous entraînez avec Kong Li. Bon, il y a évidemment Kong Li qui est là comme coach. Je pense également qu'il y a Josh Thompson. Et pour le sol, qu'est-ce qui s'occupe de vous? Alors, pour le sol, j'ai déjà toute l'équipe des autres combattants parce qu'il y a... Il y a d'autres combattants qui sont très bons dans notre gym. Il y a James Terry, qui est un combattant du Strikeforce. Il y a Anthony Johnson qui combat à l'UFC, qui a d'ailleurs combattu Josh Koscheck il y a une semaine. Oui. Donc tous ces gars-là m'aident beaucoup. Kong Li, qui a un bon passé en wrestling, m'aide aussi. Mais sinon, le coach principal, il y a Paul Schreiner. Un ceinture noire de jiu-jitsu qui m'aide beaucoup. Oui. Il y a Josh Thompson, le champion du Strikeforce dans ma catégorie. Oui. Qui m'aide énormément aussi au sol. Et puis il y a toute l'équipe de jiu-jitsu qui sont là autour de moi aussi pour m'aider. Et Thomas, on veut absolument te parler un peu de Kong Li et de Josh Thompson, mais là, je sais que mon ami Fred Garcia est impatient, puis il veut également qu'on parle d'Anthony Johnson, qui est l'un de ses préférés. Alors Fred, tu as sûrement quelques questions à lui poser au sujet d'Anthony Johnson. Ben, moi, souvent, j'en reviens pas combien de poids qu'Anthony Johnson peut perdre. Alors, je me demandais si, en tant qu'équipe, il y avait beaucoup d'emphase sur la diète et tout. Si vous, premièrement, vous mettez beaucoup d'emphase sur la diète et aussi l'équipe en général? Alors, ça dépend des combattants. Anthony Johnson, c'est vraiment spécial. Déjà, il n'y a pas beaucoup de combattants, même pas dans notre gym. Je veux dire, dans le monde du MMA, il n'y a pas beaucoup de combattants qui peuvent perdre 50 pounds comme ça avant les combats. Donc, moi, j'ai pas besoin de perdre de poids parce que moi, je suis toujours au poids. Et bon, là, aujourd'hui, je suis à 165. Donc, quoi, je perds à peine 10 pounds, c'est rien du tout. Mais lui, il fait beaucoup d'efforts. Et même si sa diète est correcte, je pense que ça le fatigue quand même de perdre 50 pounds avant les combats. Parce que, et on va dire qu'il va perdre quoi? Qu'il va perdre peut-être 30, 35 pounds avant de graisse. Et il va perdre, voire 25, 20 ou 15 pounds d'eau juste avant le combat, je pense que c'est énorme. Oui, c'est ça, l'énergie y est peut-être pas. Lorsqu'un combat s'étire en deuxième, troisième round, là, évidemment. Là, je pense que même s'il a l'habitude de le faire, je pense que ça affecte quand même son combat. Et que, oui, c'est énorme. Je pense. Moi, je suis pas trop pour ça. Est-ce qu'il est déjà de retour à l'entraînement, Anthony Johnson, suite à cette défaite-là face à Josh Koscheck? Moi, je ne l'ai pas revu parce que là, il a pris une semaine de... Depuis, il a pris une semaine de vacances. Et puis là, il y a eu Thanksgiving et tout ça. Donc, je pense qu'on va se revoir ce soir. Mais j'ai vu Kong Lee. Oui. Et d'après ce qu'il me disait au pesé et tout ça, déjà, Anthony était fatigué au pesé. Oui. C'était deux coupures quand même, coup sur coup. Il y a eu rumeur. Il y a eu rumeur aussi qu'il avait même perdu conscience pendant qu'il se déshydratait. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il a failli s'évanouir, etc., etc. Et oui, en fait, ce que je pense, c'est que déjà, il a eu que trois ou quatre semaines pour récupérer de son combat d'avant. Déjà. Et puis, en plus de ça, couper 20 pounds deux fois d'affilée, je pense que c'était trop. C'était déjà à la fois perdre 20 pounds, c'était beaucoup, mais en plus deux fois d'affilée comme ça en moins d'un mois, je pense que c'est ce qui était trop, je pense. Il y a, je pense, un lien. Kong Lee s'entraîne également avec l'American Kickboxing Academy. Je ne sais pas s'il le fait encore. Vous allez peut-être pouvoir nous le dire, me le dire si je suis dans l'erreur. Est-ce que vous également, dans ce cas-là, si ma prémisse est vraie, vous avez également peut-être un lien un peu avec l'American Kickboxing Academy. Est-ce que vous avez l'occasion des fois d'échanger avec eux? Oui, bah déjà il y a Josh Thompson qui donne deux fois. Josh Thompson qui vient du AKA lui aussi. Il donne deux fois par semaine. Il donne des cours chez nous. Oui. Des cours de sol et de spécifiques MMA. Et puis certains de nos combattants vont parfois là-bas pour tourner avec les mecs là-bas parce qu'il y a quand même des gars qui sont très forts au sol là-bas. Il y a John Fitch, il y a Josh Koscheck, il y a Ken Velasquez, il y a beaucoup de bons grappleurs. Il y a Josh Thompson, des gens très forts en MMA. Donc nous, c'est tout à notre avantage d'aller tourner avec des mecs comme ça. Oui, excuse-moi, tu continues, je t'ai coupé, vas-y, continue. Oui, je disais, de temps en temps, on va là-bas. Et de temps en temps, plus moi, James Terry de temps en temps, pas beaucoup de fighters, mais deux ou trois combattants de chez nous de temps en temps vont là-bas pour échanger des sparring avec certains combattants de là-bas. Est-ce que ce combat-là, justement, entre Koscheck et Johnson, a créé un peu d'animosité ou un petit froid pendant quelques temps entre les deux écoles? Je sais pas, parce que moi, ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais je pense que oui, automatiquement, je pense que... Je sais pas entre les deux écoles parce que je sais que le coach de là-bas qui s'appelle Javier Mendez, de temps en temps il vient chez nous pour préparer Kong Lee pour son prochain combat là. Oui. Et donc entre les deux écoles le rapport est toujours bon, mais je pense que c'est surtout entre Anthony Johnson et Josh Koscheck qui avait peut-être un froid, mais pas entre le reste de l'équipe, non je pense pas. Parce que bon, il y a Herschel Walker qui est un joueur de football qui a été bien populaire et qui là a décidé de se lancer dans un combat pour l'organisation Strikeforce également. Qui devrait avoir lieu, je pense, en 2010. Lui s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy, je pense, depuis quelques temps, où il va le faire en tous les cas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ou d'entendre parler de comment ça se passe pour lui, sa progression en MMA? Alors, j'ai juste entendu qu'il avait signé, mais j'en sais vraiment pas plus. Je l'ai jamais rencontré et je connais pas ce combattant, enfin cet ancien joueur de football. J'ai juste entendu, j'ai juste vu sur internet que il avait signé avec Strikeforce, mais je l'ai pas encore vu au AKA. Okay. Et je l'ai jamais rencontré en personne, donc je peux pas vous en dire plus. Bon, maintenant, il y a quelques membres de votre équipe qui vont combattre très bientôt, le 19 décembre plus précisément. Il y a Kong Lee qui va affronter Scott Smith. Ça devrait être tout un combat debout spectaculaire et tout le tralala. Et Josh Thompson également qui va combattre Gilbert Melendez. On sait que Thompson est l'actuel champion, mais il y a eu plusieurs blessures qui l'ont empêché de défendre son titre. Ce qui fait que Melendez, que Thompson a déjà vaincu, ben, est devenu le champion intérimaire. Commençons peut-être par le combat de Kong Lee. Kong Lee est de retour à l'entraînement depuis longtemps ou il s'est quand même toujours entraîné de manière peut-être intermittente pendant ses tournages de films? Alors, c'était juste pendant... c'est vrai que pendant un moment, il était absent pour son dernier film, Pandorum. Mais non, il est vraiment revenu à la salle, on va dire, il y a 2 mois. Il est vraiment revenu sérieusement il y a un ou deux mois. Sinon, c'est vrai que ça faisait un moment à cause des films qu'il était absent. Donc, il était beaucoup absent à cause de ces films-là. Mais non, il est vraiment revenu à l'entraînement sérieusement il y a 1 ou 2 mois. Parlez-nous de son niveau. Bon, en Sancho, on le sait, ça a été un maître incontesté. Est-ce que, bon, le voir de plus près depuis que vous vous entraînez auprès de lui, est-ce que vous êtes encore impressionné, bon, par ses techniques debout? Puis son sol est comment maintenant à l'heure actuelle? Alors, il a un très bon... Alors, debout, oui, bien sûr, il est très bon. Ça, c'est sûr, on peut pas le nier. Il est très bon et je pense que personne ne peut le nier. Et au sol, j'ai tourné avec lui quelques fois et puis on l'a vu quelques fois. Il a des très bonnes bases de grappling. Oui. Je pense que ses défauts sont sur certaines soumissions. Je pense que c'est pas un maître de soumission, quoi. Ok. Mais il a un très bon contrôle du corps parce qu'il a un passé en wrestling, donc. Je pense que c'est un bon combattant de MMA aguerri parce qu'il est bon debout et il a une très bonne gestion du corps au sol. Donc, je pense que même si on le met au sol et qu'on essaie de le terminer au sol, je pense qu'on aura du mal à le terminer et que ce ne sera pas aussi simple, quoi. Ok, alors je pense qu'on peut penser qu'il se défend bien, mais ce n'est pas le gars au sol qui a la finesse d'un grand technicien comme, l'OTT, les Royce, puis Rickson Gracie. C'est ça, c'est un peu ça, mais quand même, il revient son épingle du jeu. Puis je pense il y a une bonne base de lutte. Puis en Sancho, on l'a vu exécuter de belles projections. Est-ce qu'il est capable également de bien défendre les tentatives de mise au sol, puis de rester debout le plus longtemps possible? Voilà, exactement. Après, on a chacun nos spécialités, mais je pense qu'on peut... On peut être bon dans, même si on est bon debout, on peut essayer, même si on est très bon debout et pas très bon au sol, on peut essayer de combler ce trou en essayant de travailler tous les jours au sol, histoire de pouvoir au moins tenir un combat ou au moins contrer, ou même peut-être un jour soumettre quelqu'un, c'est possible, oui, bien sûr. Vas-y Fred. Ben, j'allais demander vous, Thomas, si vous avez idée, c'est quand votre prochain combat ou? Alors, moi, je voulais combattre à l'événement du, alors, comme vous avez dit, le 19 décembre, il y a Kong Lee qui combat, Josh Thompson qui combat, et il y a aussi James Terry de notre club, donc une autre figure de notre club. Et il devait aussi y avoir moi le 19 décembre, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de réponse, et je pense que s'il n'y en a toujours pas jusqu'à maintenant, je pense que ça va être plus en janvier. Mais j'aurais vraiment voulu combattre le 19 décembre, déjà parce que je ne veux pas rester sur cette défaite trop longtemps, et en plus... parce que bah, j'ai pas de blessure et que je suis vraiment prêt à combattre, mais je pense que ce sera janvier. Si c'est pas décembre là, je pense que ce sera janvier. C'est plus sûr que ce soit le mois de janvier. Mais je suis vraiment pressé de combattre. Est-ce qu'il y a une liste de noms déjà potentiels que vous pourriez combattre? Vous êtes dans la catégorie des 155 livres. Je pense que vous mesurez un peu plus de 6 pieds quand même. Est-ce que vous avez des adversaires en vue à l'heure actuelle? Alors, j'ai oublié son prénom, mais il a combattu au même événement que moi. C'est un élève à Frank Shamrock. Ok. J'ai complètement oublié son nom, mais il avait combattu au même événement que moi. Il est un peu plus grand que moi et bon au jiu-jitsu. D'accord. Alors, ce sera peut-être un gars qui va tenter de vous amener au sol encore une fois. Voilà. Ce sera peut-être quelqu'un qui va essayer de m'emmener au sol. Mais je continue à travailler le sol tous les jours et j'espère être prêt à ce moment-là pour pouvoir rivaliser avec ce combattant. Suivant une défaite, qu'est-ce que vous avez fait pour reprendre la confiance, si on veut, ou parce que quand on subit sa première défaite, ça doit quand même être un certain une barrière à remonter, j'imagine. Ouais, c'est très dur psychologiquement. C'est vrai que c'est un cauchemar dans les secondes qui suivent. Mais après, je pense que ça dépend des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui sont écœurés, qui se laissent abattre. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui veulent tout de suite après qu'on recombattre. Moi, je fais partie des gens qui veulent tout de suite après recombattre parce que je pense que je pouvais et que c'est une erreur de ma part. Est-ce que vous avez regardé à nouveau la vidéo pour voir vos erreurs ou est-ce que c'est quelque chose que vous préférez mettre en arrière et passer à un nouveau combat? Non, je pense qu'il faut vraiment en prendre une leçon. Je pense que c'est très bien et qu'il faut vraiment en prendre une leçon de... faut vraiment que je prenne une leçon de cette défaite. Que je fasse pas comme si... Comme si c'était... Il faut pas que j'essaie de l'effacer. Je pense qu'il faut que j'en prenne une leçon et que je revienne juste meilleur plus tard. Parce que, bon, je pense pas que... Je pense que j'aurais pu gagner ce combat et que c'est une erreur de stratégie. Donc, ce qui me motive encore plus, et bah d'ailleurs, juste après mon combat dans les vestiaires, je disais déjà à Kang Lee, bah, essaie de me trouver un combat le plus vite possible parce que je suis prêt, je suis pas blessé et que je pense que je suis déjà prêt à recombattre et à essayer d'atteindre le top quoi. Il y a Jake Shields, je pense, qui est sorti pour dire que Kang Lee avait peur de son jeu au sol et c'est pour ça peut-être qu'il s'était désisté auparavant de recombattre pour le Strike Force. Et là que soudainement on le voit combattre Scott Smith. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Déjà, je pense pas que Kang Lee ait peur de Jake Shields. Moi, je connais Jake Shields personnellement. Je pense que c'est quelqu'un de respectueux et je pense que c'est plutôt pour le show qu'il a dit ça en fait. Je pense pas qu'il pense vraiment que Kang Lee ait peur de lui parce que même si Jake Shields est meilleur que Kang Lee au sol, Kang Lee est meilleur que Jake Shields debout. Donc après ça se voit. Je veux dire c'est du MMA, tout peut arriver, on peut rien affirmer. Donc je pense pas que Jake Shields pense vraiment que Kang Lee ait peur et puis je pense pas que Kang Lee ait peur déjà. Et qu'est-ce que vous pensez de Strikeforce en général? Parce que dans les derniers mois, ils ont fait beaucoup d'acquisitions, surtout si on pense à Fedor. Mais en général, ils ont beaucoup amélioré leurs produits. Est-ce que vous êtes satisfait avec les étapes qu'ils prennent en tant que membre, si on veut, de cette organisation-là? Ah ouais, moi je suis vraiment content d'être chez Strikeforce. C'est vrai que là moi je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment en grande montée. Ils ont signé avec Fedor, donc par la suite avec M1 Global. Je sais qu'ils ont un partenariat avec la Dream au Japon, donc je pense que c'est excellent. Ils offrent des contrats honnêtes avec les combattants, et puis je pense que c'est tout à leur avantage. Et puis ils ont eu Fedor, ils ont eu Jacare, ils ont eu Sokuju, ils ont eu le dernier. Tout ça, si. Donc moi je trouve que c'est excellent de tout ça parce que c'est pas que, voilà, je pense qu'ils ont, là ils sont en train d'avoir des combattants de tout le monde entier et ils sont en train de faire des partenariats avec toutes les organisations du monde entier. Donc je pense que c'est excellent, tout le monde, ça va pas, ça, quand on sera, je pense que quand quelqu'un sera champion du monde, il sera vraiment champion du monde, il sera pas champion d'une organisation. Et c'est ce que j'aime, c'est quand tous les combattants sont dans la même organisation, ça c'est ce que j'aime. Effectivement, il y a un autre combat aussi que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de Josh Thompson qui bon revient après plusieurs mois même d'inactivité suite, je pense, à deux blessures à un pied, deux blessures quand même, je dirais pas nécessairement si sérieuses que ça, mais quand même qui ont fait en sorte qu'on l'a pas vu dans la cage depuis fort longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de son affrontement face à Gilbert Melendez? Ce sera le deuxième rendez-vous entre les deux. Thompson a remporté le premier, mais là, Melendez, là, lui, je pense qu'il est prêt. Il a eu l'occasion de combattre entre-temps. Mais Thompson, est-ce que vous pensez qu'il va être vraiment prêt pour ce combat-là? Ouais, moi, je pense qu'il sera prêt. D'ailleurs, je l'aide à se préparer. Je pense qu'il sera prêt pour ce combat-là. Et je pense que ça va être un beau combat parce que je peux même pas vous dire qui va gagner parce qu'ils sont vraiment très forts tous les deux et ils sont vraiment prêts tous les deux. Donc ils sont très bons debout tous les deux, très bons au sol tous les deux, ils sont explosifs, ils vont mettre la pression tous les deux. Donc là encore, les lois du MMA vont parler. Hein. On peut pas savoir qui va gagner. Et après, après une longue inactivité, est-ce qu'il y a une certaine crainte peut-être de manquer sur les réflexes ou quelque chose? Ou est-ce que Josh, il se sent vraiment prêt? Parce que moi, souvent, je pense que après une longue inactivité, il y a une question aussi de timing qui peut peut-être manquer. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas exactement comment il se sent et ce qu'il pense dans sa tête, mais c'est possible qu'il se pose des questions sur est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il est toujours au top, etc. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que ça, c'est humain. Même avec toute l'expérience du monde qu'on peut avoir, on se pose toujours des questions humaines au fur et à mesure. Je veux dire, quand on arrête, c'est toujours ça, c'est la hantise du sportif. Hein. Quand il arrête pendant un long moment, il se demande toujours s'il est toujours là, s'il est toujours capable d'eux. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais ce serait compréhensible qu'il pense ça. Quelques questions avant de terminer, Thomas. Bon, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Tout le monde parle que de ça, surtout en France, évidemment. Il y a l'affrontement Tchèque-Congo qui va affronter Frank Mir, là, qui va se passer au cours du mois de décembre, le 12, si je me trompe pas. Congo, c'est l'un de vos compatriotes. Qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement-là? Puis qui, d'après vous, va remporter le duel? Alors, D'abord, est-ce que ça vous intéresse, ce combat-là? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, je connais Cheikh Kongo aussi. Et oui, bien sûr, moi, je supporte à 100% Cheikh Kongo. Cheikh qui est très bon debout et qui a un bon ground and pound au sol. Oui. Je pense que Cheikh est tout à fait capable de gagner. Maintenant, Frank Mir, il est super fort physiquement. Et tout peut arriver, mais Si ça se passe debout, je pense qu'il y a de grandes chances que Cheikh Kongo gagne. Ah, oh, certainement. Et qui vous impressionne le plus là, dans toutes les organisations confondues là, on peut au Japon, en Amérique, peu importe, lequel combattant qui vous impressionne le plus à l'heure actuelle? Le numéro un livre pour livre que vous auriez là, c'est qui le pound for pound? J'aime beaucoup Fedor Emelianenko, Anderson Silva et Krokop. Ah oui, Krokop, mais c'est sûr qu'il est peut-être plus sur la coche présentement. Là, est-ce que tu penses vraiment que Krokop peut revenir, peut-être pas au sommet qu'il a déjà, où il s'est déjà rendu, mais peut revenir sur de beaux combats puis de quelques belles victoires, parce que oui, il y a une dernière victoire dans le UFC, mais je pense pas qu'on peut penser que c'était une victoire convaincante. Ben oui, je pense qu'il peut revenir. Après, tout dépend de ce qu'il veut lui. Je pense que si ces derniers combats se sont passés comme ça, c'est peut-être parce qu'il avait plus trop envie et puis il a eu des blessures, je sais pas comment se sont passées ses préparations, ça peut dépendre de plein de choses. Mais oui, il peut revenir comme Randy Couture est encore là, ou comme... C'est intéressant ce que tu dis, comme Jérôme Le Banner nous disait aussi. Je pense que c'est une question beaucoup de aimer ce qu'on fait. Ça dépend aussi de ses projets. Par exemple, Kong Lee, pourquoi il s'est retiré? Parce qu'il avait ses films. Krokop, il a aussi des vues au niveau politique. Je crois qu'il veut être gouverneur de la Croatie ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, ça dépend de ce qu'on veut après. Si la motivation elle est toujours là, on peut toujours revenir. Et puis dans ta division de poids, Thomas, lequel qui t'impressionnerait le plus, puis lequel t'aimerais affronter? Alors, j'aime beaucoup Josh Thompson parce qu'il est complet. J'aime aussi Aoki Shinya au Japon. Oui. Et j'aime aussi beaucoup le champion à l'UFC. BJ Penn. Bien sûr, si je veux arriver au top, il va bien falloir que... Est-ce que vous pensez que BJ Penn va battre Diego Sanchez dans moins de deux semaines? Ah, je sais pas du tout, mais je pense qu'il y a de bonnes chances. Ouais. Et puis ça m'étonnerait pas que Diego Sanchez... Après, vous savez, au niveau, on peut rien dire, surtout en MMA. Tout peut arriver, n'importe quel coup de poing peut arriver, mais... Tout peut, à un certain niveau, les mecs ils sont tellement hauts et proches l'un des autres qu'on peut pas prévoir un combat. C'est surtout en MMA, on peut pas vraiment prévoir qui va gagner, mais je pense qu'il y a de grandes chances. Moi je penserais plus vers BJ Penn que vers Diego Sanchez. Thomas, on te remercie pour le temps que tu nous as accordé, puis on espère qu'on aura l'occasion de pouvoir te reparler, puis de suivre ta carrière un peu ensemble, voir comment ça se déroule. On a probablement un prochain combat. Si c'est pas le 19 décembre, tu nous dis que ce sera probablement en janvier. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler d'ici là. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va suivre ta carrière là pour voir comment ça va se dérouler pour toi. Je vous en prie, merci beaucoup. Et merci. Puis, à bientôt avec plaisir. Salut, à la prochaine. Merci, monsieur. Salut. Au revoir.